Chapitre 21e. Cette union de Georges et de Pulchérie était si intime, si parfaite, si élevée, que les deux amants ne pensaient pas à lui en substituer une autre. Le mariage leur apparaissait comme un lien grossier qui n'ajouterait guère rien à leur bonheur. Cependant, on semblait s'en occuper au château. Les deux amants ne s'en parlaient point encore. Pulchérie était ignorante des mystères du mariage et ne comprenait rien au prix que les hommes y attachaient. Un soir, qu'ils se promenaient ensemble, le bras de Pulchérie sur celui de Georges, dans l'une des allées les plus couvertes du parc, ils eurent une extase qui les épuisa de bonheur. C'était un moment où la mélancolie, cette chauve-souris d'Albert Dürer, ouvre dans le cœur humain, à la clarté douteuse du jour, ses longues ailes traînantes. Mademoiselle de B était plus belle que jamais. Ses grands yeux noirs brillaient comme deux soleils de nuit. Ses joues, d'une blancheur tiède et transparente, se colorait aux pommettes d'un léger nuage rose. Sa main parlait à celle de Fritz qu'elle tenait étroitement serrée. Les deux amants marchaient ivres de joie, de verdure et de bleu dans le sentier étroit. Leurs poitrines se gonflaient superbement et leur semblait, à chaque bouffée d'air, respirer le ciel. Georges Fritz s'arrêta sous l'arbre enchanté et passa au doigt de Pulchérie un anneau d'or. « C'est notre anneau de fiançailles, » lui dit-il. « J'y attache mon âme. » Et tant que vous le porterez au doigt, vous m'aimerez. » Cet anneau avait bien d'autres vertus. Quand Pulchérie voulait voir ce que faisait Georges absent, elle le passait à son doigt. Un sommeil clairvoyant mouillait aussitôt ses paupières, et la jeune fiancée suivait des yeux de l'âme les pas lointains de son amant. Il n'y a pas de retraite si profonde et si bien cachée où Pulchérie ne se fût glissée avec cet anneau pour y surveiller la conduite de Georges. Mais tant que dura le temps de leur fiançailles, pendant lequel M. de B prépara tout au château pour leur mariage, elle ne surprit jamais Fritz que se promenant seul sous les arbres ou au bord de l'eau avec sa pensée dans le cœur.